Bon, je fais rentrer tout le monde. Peut-être on commence à quelle heure? Pense qu'on peut commencer. Bonjour, bienvenue au séminaire, à la première séance du séminaire public de l'ANRCOPOLIS. Nous sommes assez nombreux, je ne sais pas finalement combien il y a d'inscrits, Marie, mais une centaine. On va attendre un tout petit peu avant de démarrer, encore 2 minutes, je pense, pour que davantage de monde puisse rentrer effectivement dans la session. En tout, il y a 130 inscrits et pour le moment, je vois qu'il y a 60 personnes qui sont connectées. Bonjour à D'accord. tous. Marie, on y va peut-être? Oui. Oui, d'accord. Alors, il y a des conversations. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer dans la session, Marie. Tu es au courant ou pas? Ouais, je viens de répondre. Je vois personne en attente. D'accord. Je pense que tout le monde est C'est rentré. un message avant que tu ouvres. D'accord. Alors, écoutez, on a une séance assez chargée en fait. Notre première séance s'annonce assez chargée, donc je pense que je vais démarrer tout de suite. Tout d'abord, en remerciant les participants de cette première séance à nous avoir rejoints. Donc, Maïté Rouen, qui est présente ici et que je présenterai tout à l'heure, qui va être notre intervenante principale de ce séminaire. Joao Whittaker, qui participe à la recherche ANR et qui présentera quelques lignes de la tendance de cette recherche au Brésil. Et moi-même, Agnès de Boulay, qui vais présenter également l'ANR du côté français. Et puis, il y a Grégory Busquet, que je remercie, qui va être discutant en fait, de ce premier séminaire. Et bien sûr, je ne manque pas de remercier Marie Ségone, doctorante, qui a organisé cette session avec l'ensemble du petit comité d'organisation de ce séminaire, donc au sein de l'ANR. Alors, je vais essayer d'être court, c'est toujours ce qu'on dit, mais donc en un quart d'heure, de présenter à la fois quelques objectifs de cette recherche qui démarre, et donc non pas des résultats, mais des objectifs, à la fois théoriques et empiriques. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous présenter également les grandes lignes du séminaire et notre intervenante sur les recherches participatives aujourd'hui, donc Maïté. Alors, pour démarrer, donc, qu'est-ce que c'est que l'ANR Coopolis? L'ANR Coopolis s'intitule en fait Coproduction sociale de la ville et recherche citoyenne, regard croisé sur les quartiers populaires et précaires en France et au Brésil. Donc, je vais peu avoir le temps de m'apesantir sur le pourquoi de cette comparaison entre quartiers précaires et populaires. Mais je vais davantage mettre l'accent sur la question de la coproduction et des recherches participatives. L'ANR est portée par l'UMR, donc CNRS LAVU, avec plusieurs laboratoires de sciences sociales que sont le CERAPS, le LATS, l'EREPS. Mais c'est aussi une de ses originalités, je crois, cette ANR se fait en partenariat avec plusieurs associations et réseaux de collectifs citoyens ou d'habitants. J'en cite quelques-uns, Appui, Alliance citoyenne, Université populaire et citoyenne de Roubaix. Et elle s'est fait aussi en lien, en discussion, à son démarrage avec plusieurs conseils citoyens et associations de résidents en Ile-de-France, mais également sur les trois régions dans lesquelles nous travaillons en France. Cette ANR est une ANR en lien avec la FAPESP, donc Joao vous présentera la FAPESP dans quelques minutes. Et pour ce qui est du Brésil, on a le même principe d'appariement, en quelque sorte, de la recherche entre laboratoire et association ou collectif. Donc même, le même principe de travail a été retenu. Donc ce qui fait d'emblée de cette recherche ANR quelque chose d'assez particulier parce que la recherche est en fait, se construit beaucoup autour d'une recherche-action participative. J'y reviendrai un tout petit peu. Et en lien avec les collectifs avec lesquels nous travaillons. Alors, parce que précisément, c'est au point de départ de cette recherche, c'est-à-dire l'exercice conjoint depuis plusieurs années dans le paysage de la recherche urbaine et de la recherche en sociologie, disons, ou sciences politiques et géographie urbaine, de programmes de recherche qui sont en fait fondés sur des relations de longue portée, de longue durée, avec des associations et de nouveaux acteurs, en quelque sorte, que sont les facilitateurs du travail de terrain, d'accompagnement, de suivi dans les quartiers populaires, voire et précaires, pour le cas du Brésil, en France et à l'international. Donc, cette recherche part du constat, mais aussi d'une pratique réelle de la plupart des membres de l'ANR, de travaux de recherche engagés, on peut les appeler comme ça notamment, avec des acteurs de terrain et ce, par le relais et avec le soutien, parfois ouvert ou non, de l'université à différents titres, que ce soit au titre de la recherche d'ailleurs ou au titre de la pédagogie. Donc, c'est de cette expérience presque intime que nous avons de travail avec des acteurs de terrain et de triangulation entre plusieurs types d'acteurs. C'est sur cette base-là, sur ce socle-là que s'est construite l'ANR pour répondre à des questions de recherche, notamment auxquelles on a peu le temps de, sur lesquelles on a peu le temps de travailler, qui sont finalement liées au processus même et au fondement de cette coproduction. Sur les questions urbaines, précisément, ce travail en commun qui s'est élaboré et qui continuera à s'élaborer s'est construit beaucoup dans la réaction à certains projets, et notamment à des projets de rénovation urbaine, mais aussi au développement d'alternatives qui peuvent être de l'habitat groupé ou coopératif ou de la production d'alternatives écologiques et sociales. Donc, c'est un point de départ collaboratif sur les questions urbaines sur lesquelles, à partir duquel nous travaillons. Et si on porte un point de vue distancié sur ces pratiques dans lesquelles nous sommes pour le coup impliqués, on s'aperçoit que ces pratiques produisent des effets sociaux et des effets socio-économiques de longue portée qui vont bien au-delà du caractère opératoire et bien au-delà du souci direct d'efficacité. Et ces effets, en fait, relèvent de l'apprentissage mutuel, de la construction de nouveaux savoirs. C'est aussi des formes d'empowerment dont il est question. C'est de nouvelles formes de production, de rapport au monde et à la ville qui se construisent à travers ces collaborations et à travers la co-construction. Et c'est ça précisément qui veut être étudié dans cette ANR. En fait, les coalitions ou les rassemblements d'acteurs dont nous parlons n'émergent que rarement de la participation instituée. C'est-à-dire que c'est très très rare que ces collaborations soient issues de demandes venant de collectivités territoriales, par exemple. Mais ces coalitions, ces rassemblements, ces regroupements d'acteurs précèdent ou bousculent la participation instituée. Et surtout, elles plaident pour une approche de la participation qui dépasse le paradigme consultatif issu de la démocratie représentative. Toutes ces coalitions d'acteurs pratiquent ou parfois théorisent ou à tout le moins réfléchissent ensemble à une participation qui relève, le mot arrive, d'une véritable co-construction. Dans la pratique, en effet, ces convergences entre acteurs de nature diverse, universités, associations, réseaux d'acteurs, collectifs d'habitants, amicales de locataires, que sais-je, se sont beaucoup positionnées en faveur d'une réévaluation des cadres de la participation instituée et expriment très souvent un souhait deep democracy, comme pourrait le dire Apadouraï, une démocratisation du projet urbain et de la participation au projet pour ce qui est de la ville. Donc ce terme, le terme de coproduction est ambigu parce que depuis 5 à 10 ans, les politiques publiques s'en sont emparées et en ont fait un idéal normatif. Or, l'échec relatif de cet idéal normatif peut être constaté sur la plupart des scènes participatives que nous observons. Alors qu'à rebours de cette vision, l'équipe, et donc ce séminaire en est une des étapes, veut explorer les conditions de réalisation de cette coproduction. Dans une perspective, disons, sociologique, on se pose la question, on s'intéresse à la façon dont, effectivement, la coproduction peut se réaliser. La coproduction ne suffit pas de la décider, elle est très très longue et compliquée à mettre en pratique. Lorsqu'elle dépasse le stade d'un idéal, et donc, une des questions, c'est celle de savoir à quelles conditions la coproduction parvient à exister en dépit des obstacles énormes à sa réalisation. On y reviendra dans le séminaire. Une des questions, c'est précisément de savoir ce que cette coproduction produit comme effet direct et indirect. Qui sont ses protagonistes? Comment elle peut perdurer dans le temps et comment elle peut s'actualiser et produire des coopérations de long terme et non pas simplement des coopérations ponctuelles. En quoi, enfin, elle améliore le bien-être collectif ou son ressenti, ses ressentis, ses représentations et surtout les visées de justice spatiale et de démocratie. Enfin, en quoi est-elle un facteur d'empowerment? Donc, toutes ces questions-là, elles sont, à notre avis, on peut y réfléchir à partir du moment où on travaille sur la coproduction comme outil de travail collaboratif, comme outil qui n'est pas imposé de l'extérieur, mais qui s'enclenche à partir de dynamiques déjà existantes, de dynamiques de coproduction qui existent et qui sont déjà là. Donc, c'est ce déjà-là qui fait la particularité de cette ANR parce qu'on travaille à partir de dynamiques, d'innovations démocratiques qui sont déjà en marche, qui sont parfois de grandes réussites, parfois qui ont des difficultés, mais en tout cas auxquelles collaborent de façon active des chercheurs, l'université. Voilà. Et un des objectifs, c'est aussi donc de voir à travers tout ça quels sont les angles morts de ces pratiques que l'on nomme, évidemment, qui sont des pratiques collaboratives, mais qui sont également, au-delà de la dimension collaborative, des pratiques coopératives, parce qu'elles ne répondent pas à un souci de travail par projet, comme le décrit Éloi Laurent, mais elles répondent à une véritable aspiration des acteurs à travailler ensemble durablement et à s'inscrire également dans une production de savoir, d'échanges qui dépassent le cadre même des projets par rapport auxquels on travaille. Donc, je vais maintenant récapituler aussi brièvement les grandes directions de recherche, en tout cas telles qu'elles ont été formulées dans le projet, sachant qu'elles vont évoluer au cours de ce même projet. Alors, on en voit quatre qui sont l'émergence et les conditions de développement d'espaces coproduits ou de programmes de coproduction. Pourquoi ? Qui pose la question de savoir pourquoi les gens, des individus et des collectifs coopèrent durant l'âge du fer, certes, c'est un âge du fer qui se développe, comme le montre Michel Lallemand, mais aussi un âge de la défiance. Et donc, la coopération est un paradoxe. Comment la coopération entre individus, entre collectifs, universités et intermédiaires, on y reviendra, peut-elle exister en dépit de cette défiance croissante qu'on a envers les acteurs publics, voire même l'université, etc. Deuxièmement, une des autres grandes questions de recherche sur lesquelles on va travailler, et qui n'est qu'une question ouverte, c'est celle des pratiques de facilitation. Une des hypothèses de cette recherche, qui est basée sur de longues années de pratique aussi de la coproduction, c'est que la coproduction n'existe le plus souvent que quand il y a des acteurs facilitateurs, que quand il existe des facilitateurs. Ces facilitateurs, que ce soit au Maroc, comme l'avait déjà constaté Françoise Navez-Moujanine il y a une quinzaine d'années, ou en France ou au Brésil, c'est souvent l'université, mais pas seulement. Et l'université parfois facilite cette facilitation, en quelque sorte, elle l'encourage, mais parfois elle la freine. Donc il y a d'immenses variations dans ces pratiques de facilitation, et c'est intéressant de voir en quoi elles permettent véritablement d'élaborer la coproduction et de la faire exister pour les acteurs et d'en faire un instrument de valorisation de leur production, de leur savoir et de leurs univers moraux, voire etc. Troisièmement, les méthodes coopératives utilisées ne sont pas toutes explicitées, mais il faut les découvrir. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs qui sont dans la coproduction de savoir et de pratique en matière notamment urbaine, mais ça sera vrai aussi dans d'autres champs, je pense, ne théorisent pas leurs pratiques. Et là, il y a une grande inconnue, une grande énigme à résoudre et qu'on va essayer de tenter d'appréhender à travers la question de quelles sont les filiations de ces méthodes collaboratives, quelles sont les circulations entre les différents réseaux d'acteurs qui ont des pratiques collaboratives, mais également qui vont jusqu'à la coproduction, comment on s'approprie tout cela. Et enfin, dernière grande horizon de question, c'est une question transversale sur les enjeux épistémologiques de la coproduction, c'est-à-dire qu'est-ce que la coproduction modifie en termes de division des frontières entre les différents champs disciplinaires, mais aussi entre les formes d'expertise, que ce soit de l'expertise dite citoyenne, qui est un peu... C'est un peu paradoxal, et que ce soit de l'expertise scientifique, etc. Et donc, ça nous ouvre enfin, in fine, sur une dernière, peut-être, cette question qui traverse toute l'ANR, qui est celle du partage des savoirs. Cette question du partage des savoirs, je dirais qu'elle est consubstantielle au fait même de s'intéresser à la co-construction. C'est-à-dire que ne s'engage dans la co-construction, dans des pratiques de co-construction qui sont par définition longues et exigeantes, que des acteurs universitaires et non universitaires qui ont un souci de partage des savoirs. Et donc, il s'agit de savoir comment on partage des savoirs et comment chaque acteur perçoit, appréhende ce partage de savoir et comment également ça rejaillit sur leur propre pratique, univers de pratique. Donc vous voyez qu'il y a de nouvelles, nombreuses questions qui vont être pour certaines discutées au fil de ce séminaire, pour d'autres non, enfin voilà. J'ai déjà consommé peut-être la moitié de mon temps ou les deux tiers. Voilà. Alors, je ne vais pas du tout répondre à ces quatre questions parce qu'il s'agit d'une recherche collective et qu'on est vraiment juste en train de démarrer. Par contre, ce qu'on peut réaffirmer avant de céder la place à Joao puis Maïté, c'est que, un, cette recherche s'inscrit dans la filiation avec les sciences participatives. Ça, c'est clair. Alors, recherche participative, recherche citoyenne, il y a différents termes et différentes façons de théoriser tout ça. Cette recherche citoyenne, que d'autres appellent également science citoyenne, d'ailleurs, dans les pays notamment anglo-saxons, a été renouvelée par l'essor d'une certaine démocratie technique, mais aussi la tendance croissante à avoir l'implication de partenaires, ici de la société civile. Ça a été le cas dans les recherches en santé, ça a été le cas dans la science des organisations, mais c'est également le cas, sans que ça ait été véritablement théorisé, ou un peu moins, dans le domaine urbain. Et là, comme le montrent par exemple des auteurs comme Calon ou René, etc. Et là, il reste à travailler, il faut s'interroger dans la lignée de ces recherches participatives sur la diversité des sujets, des postures, des outils et des méthodes utilisées par les uns et les autres et la diversité des rôles que peuvent prendre ces différents acteurs et notamment les partenaires non académiques dans la distribution de ces engagements et de cette production de savoir. Voilà. Donc ça, c'est pour le point concernant les recherches participatives. Et il faut dire que, bien entendu, l'intérêt croissant et la façon dont on s'inscrit dans une recherche participative, c'est souvent associé à un principe d'implication et d'association de l'action à la recherche, ou disons l'inverse, la recherche à l'action. Et c'est effectivement dans ce principe qu'on s'inscrit, puisque nous allons nous-mêmes être dans, nous situer dans la continuité de recherche-action qui sont déjà en cours pour faire un travail de réflexivité et d'engagement différencié des acteurs afin de réfléchir à ce que ces recherches-actions participatives produisent en termes de coproduction. Alors, on insistera, le point, la dimension des recherches participatives est très importante, mais en fait, il nous semble qu'il y a une dimension qui a été souvent oubliée et qui commence à être mise à l'ordre du jour, notamment parce qu'il y a des agendas internationaux qui la travaillent, c'est le rôle des universités dans ces recherches participatives. Certains ont insisté, je pense, aux recherches sur des pays plutôt africains ou dits des Suds, les recherches d'Utschermeyer ou de Misselwitz sur l'Afrique du Sud, sur le rôle d'advocacy qu'ont les universités sur les pratiques de coproduction dans la recherche participative. Mais à l'inverse, on peut dire qu'il y a aussi que la mise en réseau des acteurs dans des recherches participatives, dans de la coproduction, permet de développer le pouvoir d'agir des acteurs locaux en mobilisant leur savoir, leurs expertises situées, etc. Donc, en fait, la façon dont on interroge la place d'université peut être extrêmement variée et on peut aussi l'interroger à travers ses programmes pédagogiques. Donc, ce n'est pas simplement avec la recherche, parce que ce qu'on voit, c'est que la coproduction, elle n'est pas seulement faite par des académiques chercheurs et avec des académiques chercheurs, mais avec des étudiants ou avec des universitaires qui conduisent et qui pilotent les groupes d'étudiants. Donc, ça diversifie et ça ouvre encore plus la question. C'est-à-dire que, en fait, est-ce que la pédagogie et de quelle manière la pédagogie contribue au renouvellement de ces savoirs de la coproduction et à ces recherches citoyennes, ces recherches participatives? C'est une vraie question qu'il faut prendre à bras le corps également. Bon, il y aurait de multiples questions, donc je passe. Deuxième point, que je ne voudrais pas oublier, qui est au cœur de cette recherche, de la fabrication de cette recherche Copolis, c'est des histoires de la coproduction qui rejoignent des histoires de la coopération. On se rend compte qu'en France, mais Joao le dira aussi probablement pour le Brésil, les lieux et les endroits où se pratique de la coproduction de savoir et la coproduction de pratiques urbaines entre associations locales, intermédiaires ou facilitateurs et universités sont souvent des lieux historiques de la coopération entre ces types d'acteurs, et parfois depuis des décennies. Et donc, il s'agit de regarder aussi les histoires de la coproduction vues la façon dont elles rejoignent la dimension de la coopération en matière urbaine et la façon dont aussi dont se distribuent les apports de cette coopération entre tous les acteurs. Et j'en veux pour exemple, toutes les questions d'auto-organisation communautaire qui sont très fortes au Brésil mais aussi dans d'autres pays dont on s'est beaucoup inspiré pour penser cette recherche. Dernier point, enfin, le rapport au savoir, la coproduction des savoirs, la coproduction au sein des recherches participatives, elle engage directement une réflexion renouvelée sur le rapport au savoir, sur la distribution des rapports au savoir, puisque la coproduction porte en elle-même, que ça soit explicité ou non, la volonté d'avoir un cadre de travail fortement symétrique entre les acteurs, d'avoir une connexion, une cognition à peu près équitablement distribuée. Alors, ce n'est pas toujours théorisé par les acteurs, ça l'est rarement même, ce n'est pas toujours écrit, ça pose souvent des problèmes également, enfin, ça pose également, ça débouche parfois sur des questions des conflits ou des rapports relativement conflictuels. En tout cas, il nous semble que là, il y a un grand champ de la recherche et de la recherche-action qui s'engage pour savoir comment se reconstruisent les savoirs, et pas seulement les savoirs des communautés ou des groupes d'habitants impliqués ou des collectivités, mais aussi les savoirs universitaires, mais aussi les savoirs pédagogiques dans ce rapport étroit et de longue portée du travail coopératif, du travail de la coproduction. Voilà. Donc, tout ça, vous avez bien compris que, évidemment, ça suppose de décrypter en profondeur les pratiques de coproduction et d'être, de le faire de façon également coproduite, ce qui n'est pas toujours une gageure, mais on y reviendra dans des séances de présentation, peut-être des premiers résultats de l'ANR dans quelques mois ou dans quelques années. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais également présenter le séminaire rapidement. On a donc ce séminaire public qui fait partie de la construction de l'élaboration de cette recherche, qui a la particularité de vouloir être un séminaire ouvert, vraiment ouvert aux acteurs de la société civile avec lesquels on travaille et à d'autres, bien entendu, et pour lesquels on a en particulier ouvert un espace de un séminaire recherche-formation, dont la première séance, animée par Romain Gallard, va débuter dans un mois, ça sera la séance du mois de décembre. Donc, séminaire de recherche-formation qui va faire venir autour de ce lien Zoom, tant qu'on ne peut pas se réunir physiquement, un certain nombre d'acteurs impliqués dans la recherche action, mais qui sont, ces acteurs ont la particularité d'être des acteurs directement concernés par les projets urbains ou par les politiques urbaines sur lesquelles il s'agit de travailler. Et donc, sont passés pas seulement les universitaires, ça peut être des amicales de locataires, d'habitants, des acteurs intermédiaires également. Alors, voilà, je crois que j'en ai à peu près... le séminaire public sur cette affiche extrêmement bien faite, faite par Marie Ségone, vous trouverez la liste des prochains séminaires, enfin la liste même initiale des thématiques des séminaires publics qui est développée jusqu'en janvier. En janvier, ce sera une présentation d'une autre recherche participative qui a été conduite par Marie-Hélène Baquet et Jeanne Demoulin avec bien d'autres chercheurs et des associations autour de la question des jeunes, de l'implication des jeunes dans les recherches participatives. C'est la NR Pop Art. Et par contre, on n'a fait que esquisser les thèmes des autres séminaires publics de l'année jusqu'au mois de juin. Et ils seront développés au fur et à mesure. Voilà. Bien, Joao, je te passe tout de suite la parole en te présentant très brièvement. Donc, Joao est co-coordinateur de cette ANR, FAPESP, et prof à la faculté d'architecture et d'urbanisme de São Paulo. Et pour le reste, je crois que tu te présenteras très bien toi-même. Tu vas le faire en montrant un peu quels sont les points d'appui de cette recherche au Brésil. D'accord, merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici, de pouvoir participer, même si de loin, j'aurais préféré être là avec vous. Je vais essayer de faire très vite, hein, parce que j'ai, comme vous tous, je pense, hâte d'écouter la présentation de Maïté. Mais donc, c'est juste une complémentation, parce que je pense que Agnès a très, très bien expliqué les principaux points et les principales logiques de notre projet. Nous sommes donc, moi je représente ici l'équipe brésilienne. Alors, comme vous savez, c'est un projet ANR-FAPESP. D'autres professeurs participant avec moi, comme Karina Leitão ou Caio Santoamor, et qui sont ici aussi en train d'écouter. Alors, la FAPESP, c'est une agence de financement de recherche. Elle n'est pas brésilienne comme l'ANR, elle est spécifique de l'État de São Paulo. L'État de São Paulo est le plus grand et le plus puissant État du Brésil du point de vue économique. À lui seul, c'est presque un pays. Et donc, la FAPESP, c'est une agence très importante, la plus importante au Brésil, avec celle de Rio, en termes de financement de la recherche. Alors, c'est une espèce de recherche comparative qui établit des enjeux qui sont quand même très ressemblants et donc dont les principaux points et les principes sont exactement ceux que Agnès vient de présenter. Alors, nous sommes une équipe de 10 chercheurs liés à un laboratoire de la faculté d'architecture et urbanisme de l'université de São Paulo, où je suis professeur, donc, qui s'appelle LabIAB, un laboratoire sur le logement et les établissements humains. Et il faut dire qu'au Brésil, on a déjà une très grande expérience, une très longue expérience de coopération entre, disons, en projet coopératif et participatif, et qui notamment implique une très forte collaboration entre des associations de professionnels liées à l'architecture, l'urbanisme, l'économie, le droit souvent, les associations d'habitants souvent organisées en mouvement, et en mouvement souvent lié à des actions politiques aussi, du point de vue de la dispute et de la demande pour le droit à la ville, etc. Et enfin, comme troisième trépied, l'université dont nous entrons, qui au Brésil s'engage dans ce qu'on appelle ici l'extension universitaire, qui est justement une participation active dans tout ce type de projet. Alors, il faut voir que ce n'est pas toute l'université. L'extension universitaire, c'est une lutte interne dans les universités pour qu'on puisse réussir à faire en sorte, surtout dans les domaines des sciences appliquées comme l'urbanisme et l'architecture, de faire en sorte que l'université au Brésil s'implique dans ce qui est en fait une lutte permanente. Alors, on a évidemment ici une infinité de cas où l'on pourrait travailler, parce que ce que l'on est en train de parler, c'est-à-dire les expériences coopératives et participatives autour du droit à la ville et autour du droit au logement, autour de l'amélioration des questions urbaines, etc., est une lutte permanente dans un pays qui a un déficit de logement de 7 millions d'unités. Et dans une ville comme la ville de São Paulo, de 12 millions d'habitants, qui a un déficit de logement de 1 million d'unités, et autour de 400 000 familles qui vivent dans des situations d'extrême précarité. Donc, c'est auprès de ces gens-là, de ces familles, que nous avons une action continue et qui implique souvent des projets où il nous intéresse, comme l'a bien dit Agnès, essayer de trouver non seulement par rapport à ce que l'on a déjà fait, mais aussi ce que l'on est en train de faire, quel est le rôle que l'université peut avoir, quelle est son efficacité, quelle est sa collaboration réelle et à quel point de vue on peut faire en sorte de faire aller en avant des projets participatifs qui puissent effectivement représenter des changements effectif pour des populations en situation très très difficile. Alors il faut bien souligner que contrairement souvent à ce qui se produit en Europe, ici au Brésil, la participation de l'État, de la municipalité, de la ville, de l'État en général, du pouvoir public, est justement très très très faible. Et souvent ces mouvements que l'on participe sont des mouvements pour essayer de donner de la force aux mouvements sociaux pour qu'ils puissent justement présenter des projets, avoir des propositions concrètes qui puissent avoir un poids académique, un poids technique qui puisse leur donner des possibilités justement de faire leur lutte politique grâce à cet apport. Alors pour finir, je voudrais dire que l'on travaille ici dans ce projet spécifique Copolis sur trois terrains. On a un terrain qui est en train de se mettre en place à Rio, parce que même si la FAPESP est de l'État de São Paulo, on a fait en sorte d'inclure Rio, parce qu'évidemment, Rio, on ne peut pas parler de ce genre de travail et de conditions de difficultés, précarité urbaine, sans avoir une vision sur la ville de Rio. Tout le monde le sait, c'est une ville où ces problèmes sont très, très, très forts et très importants. Mais on a deux cas spécifiques à São Paulo. On a un terrain qui est autour d'occupations d'immeubles qui sont laissés vides dans la région centrale. Il faut savoir qu'au Brésil, les centres-villes ont plus de 5 millions d'immeubles vides, alors que le déficit de logement est de 7 millions d'unités. Donc, ça veut dire que c'est presque pareil. Donc, on a beaucoup de mouvements sociaux sur le logement qui occupent ces édifices. Et donc, nous, on a un travail dans deux occupations pour aider dans des projets de réhabilitation, dans des projets d'intervention, de lutte et de participation auprès de la ville, etc. Et le deuxième cas, à São Paulo, est une occupation qui est dans la périphérie de la ville, dans des régions très sensibles du point de vue environnemental, des régions où il y a des réserves d'eau de la ville et où il y a des occupations informelles qui viennent depuis des décennies. Mais plus spécifiquement, celle-ci, c'est une occupation récente qui est là depuis 2013 et qui compte déjà avec la participation d'une équipe avec la participation et la coordination de Caio Santoamor, qui est professeur et qui est ici avec nous. Et donc, nous prenons ces études de cas pour nous servir, disons, de paramètres pour toutes ces discussions qu'Agnès a déjà mis en avant, mais d'un point de vue d'un accompagnement de l'exercice réel de la coproduction et du travail coopératif. Voilà, c'est rapide, mais c'était pour vous donner un peu un point de vue sur le Brésil et vous montrer l'importance de cette coopération, de cette comparaison, parce qu'en fait, on se rend compte avec Agnès et tous les participants de ce projet que nous avons malheureusement peut-être de plus en plus de ressemblances entre nos deux pays par rapport à toutes ces questions, par rapport à tous ces besoins, à ce besoin d'action de l'université, à ces questions de précarité, de difficultés urbaines. Et je pense que de plus en plus, il est important que nous travaillions donc sur des réseaux qui puissent faire cela de manière comparative et de manière coopérative entre pays et entre universités aussi. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole donc à Maïté en espérant que mon français ait été compréhensible. Merci Agnès. Merci beaucoup, João. Est-ce que peut-être on verra après pour les questions si tu peux rester avec nous jusqu'à la fin, ainsi que les collègues brésiliens, ce serait super, puisque c'est Grégory qui lancera les questions. Je voulais donc, oui, présenter, merci infiniment. Je voudrais ton micro, Agnès. Oui. C'est un réflexe. Maïté nous fait le plaisir ce soir de présenter les recherches qu'elle a réalisées dans le cadre de son post-doctorat avec le GIS Démocratie Participation, qui était un post-doctorat sur les recherches participatives précisément, puisque elle nous précisera peut-être dans quel contexte, pourquoi à ce moment-là, à la fin des années 2010, on commence à s'intéresser, à se réintéresser sérieusement en France à cette question des recherches participatives. Et actuellement, elle fait un autre post-doctorat et chargée de recherche à l'ADEME, en partenariat avec le LIS-CNRS, qui est donc un laboratoire du CNAM, Centre National des Arts et Métiers, et du LADIS. Et elle travaille sur le rôle des accompagnements associatifs dans le militantisme écologique et solidaire à l'échelle des quartiers. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de proximité, donc j'espère qu'on en reparlera aussi entre nous. Elle a soutenu en 2018 une thèse de sociologie sous la direction de Jean-Louis Laville, qui est spécialiste des associations, des questions associatives, et de Lode Blandiot, qu'on ne présente plus, autour d'expériences autonomes de gestion communautaire dans une perspective comparée France-Espagne. Donc, Maïté, tu as 45 minutes environ pour t'exprimer, pour faire cette synthèse, pour nous présenter cette synthèse sur les recherches participatives. On te remercie encore. Merci beaucoup Agnès. Je vais juste partager mon PowerPoint pour voir, j'espère que ça fonctionne. Est-ce que vous le voyez tous? C'est bon? Oui. Hop, je vais juste... Je ne sais pas, vous voyez le diaporama là ou Non. Zut. Du début. Oui, peut-être. Comme ça, c'est bon? Là, c'est bon. C'est bon. Ouais. Voilà. Est-ce que j'arrive à passer? Attends, oups. Ouais. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup Agnès et merci aussi aux communautés d'organisation pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir valoriser le travail que j'ai fait au sein du GIS Démocratie et Participation. Donc, c'était un travail essentiellement. Alors, c'était un travail théorique en fait, d'état de l'art sur les recherches participatives et en même temps un travail opérationnel où j'ai participé à la mise en place du prix de la recherche participative avec la Fondation de France. Et aussi, j'ai participé à la coordination de l'espace collaboratif Croiser les savoirs avec tous et toutes, qui est monté en fait en partenariat entre ATD Quart-Monde, le CNAM et le CNRS, et auquel participent notamment Marion Carrel, Julien Talpin et Elisabetta Bucolo. Et je fais toujours partie d'ailleurs de cet espace collaboratif où on mène donc, des recherches participatives avec les personnes en situation de pauvreté. Donc je vais essayer d'être succincte et que ce ne soit pas trop indigeste. Je mets juste mon chronomètre. L'idée, là, c'est un peu de vous faire une cartographie un peu critique des clivages et des convergences en fait, qu'on trouve aujourd'hui dans cette nébuleuse des recherches participatives, parce que donc, ces recherches connaissent un succès grandissant. Elles sont à la fois mobilisées comme des leviers de démocratisation de la science, comme des fers de lance pour certaines luttes sociales, pour la justice cognitive. Je reviendrai sur ce concept de justice cognitive qui est mis en place, enfin, qui est revendiqué par des chercheurs indiens. Ces recherches, elles sont aussi utilisées comme des outils de réflexivité professionnelle sur les pratiques d'intervention, mais elles deviennent aussi de plus en plus une technique labellisée de gouvernement, un label en fait, de nouvelles politiques publiques qui entendent favoriser la participation citoyenne dans la recherche. Et aussi, elles deviennent de plus en plus un instrument d'innovation stratégique, parfois, et de compétitivité pour susciter l'attractivité des territoires. Donc voilà, il y a vraiment une diversité de pratiques et d'orientations de ces recherches participatives aujourd'hui. En guise de contexte très large, on peut dire qu'en fait, elles interviennent dans un contexte où la démocratie participative se caractérise par vraiment une défiance vis-à-vis des formes de gouvernement technocratique qui excluerait les contributions citoyennes au débat public, mais aussi on voit de plus en plus un impératif participatif qui se dissémine en fait dans le monde de la recherche et qui explique en partie cet essor des recherches participatives. Donc il y a aussi dans un contexte plus large l'essor du capitalisme cognitif qui a tendance à valoriser les dynamiques partenariales entre sphères universitaires, associatives et entrepreneuriales pour voilà, susciter le développement socio-économique des territoires. Et finalement, un dernier élément de contextualisation pour expliquer l'essor de ces recherches participatives, c'est vraiment les critiques postcoloniales et féministes du positivisme dans la science, et d'un côté, et les controverses technoscientifiques qui ont déjà suscité depuis les années 90, 80, 90, un questionnement très profond sur la pluralisation de la science, la nécessité voilà, de pluraliser la science, et qui ont vraiment interrogé aussi les rapports hiérarchiques dans la production et la validation du savoir scientifique. Donc, en fait, ces démarches de coproduction de connaissances entre savoir expérientiel, savoir professionnel et savoir académique, elles remettent en cause l'idée de neutralité axiologique. Alors, elles ne remettent pas tout en cause, hein, justement, il y a des différences, mais en tout cas, elles viennent bousculer l'idée de neutralité axiologique et elles viennent, comme l'a dit Agnès, un peu reconfigurer les frontières et les fondements de l'expertise, puisqu'elles viennent bousculer la séparation stricte entre les savoirs dits experts et les savoirs expérientiels ou profanes. Donc aujourd'hui, on les retrouve à la fois dans le domaine des sciences participatives, dans le domaine du travail social, de la santé, notamment le domaine du handicap mental et psychique, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et du développement territorial local, dans le domaine des études urbaines de plus en plus, ou encore dans le domaine de l'éducation. Juste en guise de, quand même encore d'introduction, juste dire que la science a toujours constitué un champ de rapport de force en fait, entre différentes autorités pour le monopole, l'imposition et l'inculcation de savoirs légitimes et codifiés. Mais en fait, les recherches participatives, elles élargissent vraiment la focale puisqu'elles mettent en tension différentes sources de légitimité. Et en fait, elles se réclament aussi de principes d'évaluation, de validation des savoirs et des principes d'administration de la preuve qui vont être pluriels et différents. Et donc, c'est pour ça qu'elles suscitent autant de controverses. Parce qu'elles remettent aussi en question les standards de l'objectivité, donc avec cette idée qu'on devrait avoir une distance objectivante et une distance un peu expérimentale à l'objet de recherche. Donc ces recherches, en tout cas participatives, elles viennent bousculer l'idée qu'il y aurait une rupture épistémologique avec la subjectivité, à la fois des acteurs et du chercheur lui-même. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a de nombreux travaux qui ont tendance à dénoncer les dérives relativistes, on pourrait dire, et les dérives subjectivistes des recherches participatives, parce qu'en fait, ils pointent le risque de détournement idéologique ou d'instrumentalisation militante de ces recherches à des fins uniquement politiques. Et donc, il y en a même qui parlent de populisme scientifique pour désigner ces recherches. Je ne vais peut-être pas m'apesantir là-dessus. Juste dire, donc, en fait, là, je vous ai mis des dispositifs de financement en fait, qu'on trouve aujourd'hui autour des recherches participatives. Je ne vais peut-être pas m'apesantir, je pourrais vous envoyer le PowerPoint avec aussi des organismes associatifs, scientifiques qui sont ressources et des structures facilitatrices. Juste dire que là, en fait, pour cet exposé, je vais revenir en fait sur trois formes idéales typiques, on pourrait dire trois formes de recherche participative que j'ai distinguées dans mon état de l'art, dans mon travail. D'une part, les recherches participatives radicales, qui en fait sont caractérisées par une lutte contre la hiérarchie des pouvoirs et des savoirs. Donc là, ce sont en fait des recherches participatives radicales qui s'inscrivent dans le sillage des épistémologies post-coloniales et féministes. D'autre part, on a des recherches-actions qu'on peut qualifier de collaboratives et partenariales, qui, elles, sont davantage dans le domaine du travail social et des sciences de gestion, et qui visent en fait à créer des savoirs actionnables, donc des savoirs pratiques qui vont être directement mobilisés dans les pratiques d'intervention. Et troisième champ de recherche qu'on pourrait appeler les recherches participatives fonctionnelles et instrumentales. Donc ça, c'est à relativiser, hein. Mais donc c'est plus les recherches qu'on trouve dans le champ des sciences citoyennes, donc dans le champ de la biodiversité notamment et de l'environnement, finalement, ce qui prévaut, c'est plutôt une perspective de vigilance collective et d'acculturation des usagers, des citoyens aux normes scientifiques conventionnelles. Donc avec une perspective moins radicale du coup de participation des usagers, des citoyens. Donc là, encore une fois, c'est des constructions intellectuelles qui sont un peu stylisées, hein, et qui ont tendance à durcir les traits, mais ça aide quand même pour la réflexion. Donc là, je vous ai mis dans le tableau, vous pourriez y revenir, je n'aurai pas le temps de le commenter, mais grosso modo, je vais suivre un peu cet ordre, donc avec les recherches participatives radicales qui s'inscrivent dans une orientation militante, les recherches qui ont plus une finalité pratique critique et les recherches qui ont une finalité plus fonctionnelle ou contributive et qui caractérisent les sciences citoyennes. Et donc, je vous ai mis des exemples aussi d'initiatives qui s'inscrivent dans ces trois types de démarches. Et moi, en particulier, je passerai peut-être un peu plus de temps à parler notamment de ATD Quart-Monde, enfin de la démarche de croisement des savoirs d'ATD Quart-Monde, la démarche Cap Droit avec des usagers en situation de handicap psychique et mental, et le réseau Semences Paysannes, qui me paraissent particulièrement emblématiques de ces recherches radicales. Et j'aurais pu mettre aussi Appui, que j'avais mis initialement d'ailleurs, dans ces recherches radicales. Juste pour finir avec ce point d'introduction, dire qu'en fait, Donc, il y a un foisonnement conceptuel autour des recherches participatives. Et en fait, on peut identifier quatre variables, en fait, quatre dimensions qui vraiment structurent les usages sémantiques, les interprétations de la recherche participative. Donc, ce sont la participation du citoyen et ou du praticien dans la recherche. Quelle place est laissée aux citoyens et aux praticiens. Le rôle du chercheur, l'impact sur la science et l'impact sur la société. Par rapport à la participation du citoyen et ou du praticien, en fait, ce qu'on remarque dans les recherches participatives, c'est que à l'une des extrémités du spectre, en fait, des recherches participatives, on va avoir l'idée que la participation prend la forme d'une complémentarité fonctionnelle et déconflictualisée, en fait, où finalement le citoyen va intervenir pour fournir un compte de main ou un éclairage à titre d'informateur. Donc, dans cette perspective, il est cantonné à un rôle d'auxiliaire ou de main-d'œuvre bon marché dans les recherches. À l'autre extrémité du spectre, on a au contraire des recherches qui visent vraiment une confrontation des référentiels, des normes de légitimité et des systèmes de validation entre scientifiques et non-scientifiques. Et donc là, c'est un schéma de participation qui est beaucoup plus conflictuel et qui s'accompagne souvent de processus de conscientisation critique des participants. Je vais assez vite hein, parce que sinon je n'aurai pas le temps de tout dire. Par rapport au rôle du chercheur, on a différentes positions, encore une fois, du rôle du chercheur. Il y a le chercheur qui peut maintenir une position de monopole de la décision sur le déroulement de l'investigation, où il fait vraiment figure de chef d'orchestre. Il peut aussi occuper la place de médiateur ou de tiers, où il va en fait accompagner la réflexivité des acteurs au sein de communautés d'apprentissage. Mais il a vraiment cette fonction de médiateur. Et d'autres recherches sont encore un cran au-dessus, puisqu'elles visent vraiment à appréhender le chercheur comme un co-investigateur et vraiment dans une logique de déconstruction des assignations un peu statutaires et donc vraiment dans l'idée qu'il va y avoir une symétrie des expertises la plus horizontale possible. Au niveau de l'impact sur la science, là encore, les impacts sont très diversifiés selon les recherches. On a certaines recherches qui s'inscrivent vraiment dans une logique de pluralisme épistémique, donc de pluralisation de la science, où à partir des savoirs situés, en fait, donc on va vraiment être dans un questionnement très fort des standards scientifiques traditionnels et des protocoles scientifiques traditionnels, où on va essayer de valoriser des manières de construire la science alternative. On a la production de savoirs pratiques et techniques, donc actionnables, utiles pour l'action. Et troisième dimension, une visée de démocratisation de la science qui, là, est davantage dans une perspective d'éducation des citoyens et d'acculturation de ces derniers au protocole scientifique dominant, avec l'idée aussi que leur participation se résume plutôt à de la collecte de données. Et finalement, au niveau de l'impact sur la société, on a encore une fois là différents impacts. À la fois une lutte contre les inégalités sociales, l'amélioration des conditions d'existence de vie, des processus de conscientisation et de politisation, ou parfois des dynamiques d'interpellation et de contribution au débat public. Bon, je passe un peu rapidement. Donc, les tableaux, je ne reviens pas dessus, vous pourrez les observer. J'avais distingué différents types d'implications des usagers citoyens dans la recherche, avec en fait en fonction de leur marge de manœuvre pour influer sur le processus de décision et dans la coproduction des savoirs. Vous pourrez revenir aussi si ça vous intéresse, je ne vais pas m'apesantir parce que je vais le voir en fait, on va le voir ensemble. Il y avait aussi différents types de médiation sur lesquels s'appuient ces recherches. Là, je le commande très rapidement. On peut trouver des médiations graphiques et artistiques où, en fait, les recherches vont s'appuyer sur des dimensions, enfin, vont faire un travail sur les dimensions subjectives et émotionnelles des participants pour essayer de convertir les savoirs expérientiels ou les savoirs profanes en problèmes publics. Et là, on va utiliser une diversité de supports sensoriels, des modélisations, des supports artistiques, graphiques. On a d'autres types de médiations qui sont là, qu'on peut qualifier de relationnelles protectrices, où là, en fait, on utilise des groupes de pairs, ou la question de la non-mixité, pour faire émerger des savoirs souvent minorisés, discrédités. Mais on peut aussi mobiliser des pairs aidants, notamment dans le champ des recherches en santé mentale, donc des personnes qui sont aussi en situation souvent de handicap et qui vont aussi pouvoir partager leur vécu et donc qui partagent une même condition avec les usagers, ou aussi des groupes d'entraide mutuelle. Là, c'est Advocacy France en fait, qui utilise les groupes d'entraide mutuelle qui ressemblent pas mal aux groupes de pairs utilisés notamment par ATD Quart Monde avec les personnes en situation de pauvreté. On a aussi des médiations techniques ou informatiques, où là, c'est vraiment une ingénierie qui utilise des modélisations informatiques pour accompagner les processus de participation. Là, c'est notamment le collectif Commode, notamment avec Sylvie Blangy, qui utilise ce type de médiation. Et quatrième type, des médiations numériques, donc notamment des cartographies participatives. Donc là, je crois qu'Appui utilise, je crois, des cartographies aussi participatives. Mais on en trouve aussi dans des systèmes en fait, d'information et de surveillance communautaire avec les autochtones en Amérique latine. Voilà, ce type de cartographie dans la surveillance des écosystèmes. On le trouve aussi dans le processus FAB-PAT, qui est en fait une recherche participative culturelle sur la question du patrimoine, où on essaie de construire des communautés patrimoniales numériques. Donc, je vous l'ai mis dans le tableau. Bon, là, je ne reviens pas. C'est quelques nœuds de tension au sein des recherches participatives que vous pourrez aussi voir, parce que je vais les aborder en fait dans mon exposé. Je surveille le temps quand même. Donc, ça va. Donc, je vais y revenir. Pour commencer un peu, pour rentrer dans le dur, je vais commencer par parler des recherches participatives radicales qui peuvent particulièrement intéresser Coopolis. Donc, des recherches qui s'inscrivent vraiment dans une lutte contre la hiérarchie des savoirs et des pouvoirs. Et en fait, dans ces recherches-là, on voit qu'il y a, ces recherches s'inscrivent dans le sillage de quatre grandes épistémologies, on pourrait dire, courants en tout cas, que sont les épistémologies postcoloniales et féministes, les disability studies le mouvement de la RAP. Donc de la recherche action participative, donc là avec False Border, donc je vais y revenir, donc en Amérique latine. Donc la généalogie des recherches participatives radicales, donc qui vraiment imbrique à la fois le pluralisme épistémique dans la science et vraiment un enjeu de lutte sociale, c'est vraiment des recherches qui articulent vraiment ces deux dimensions. Elle laisse apparaître vraiment ces quatre filiations qui vraiment ont posé les jalons d'une science engagée. Et dire que juste ces épistémologies critiques, elles ont vraiment souligné la nécessité de réintégrer les savoirs disqualifiés et minorisés dans l'espace public. Et elles ont aussi contesté l'hégémonie du positivisme dans la science, parce qu'elles ont éclairé en fait à la fois l'ancrage sexiste de la production des savoirs scientifiques, leur ancrage culturel et leur ancrage occidental. Donc la recherche action participative ou RAP, là c'est des auteurs comme False Borda et Brandao, donc en Amérique latine, qui vraiment pensent la recherche action participative comme une radicalisation de la recherche action traditionnelle. Ils s'inscrivent dans le sillage de la pédagogie critique et des théologies de la libération de Paulo Freire. Et pour eux, alors eux, ils ont travaillé comme Paulo Freire avec des communautés de paysans en fait en Colombie, donc des communautés de coproduction des savoirs entre paysans et chercheurs. Et eux, pour eux, la RAP doit vraiment sous-tendre l'émergence d'un contre-pouvoir et d'une science populaire qui va servir les intérêts des groupes opprimés. Les groupes opprimés qui sont vraiment appréhendés comme les copropriétaires du savoir. Donc la construction du savoir scientifique, elle est vraiment définie comme un produit socio-culturel qui repose sur un processus conscientisant où on va venir confronter des rationalités pratiques. J'utilise ce terme, la confrontation des rationalités pratiques. Et ces rationalités pratiques, elles sont elles-mêmes ancrées dans des systèmes de validation propres à chaque groupe social et culturel. Donc, voilà. Et c'est aussi des recherches, c'est les recherches RAP, des recherches qui reposent sur l'engagement politique et idéologique du chercheur en faveur des segments subalternes. Voilà, je passe très rapidement. Donc, ce mouvement de la RAP, il était déjà très fort dans les années 70-80. Et en fait, il a rencontré un autre mouvement qui est celui des épistémologies féministes qui, elles, ont largement mis en valeur la question des savoirs situés. Donc, des savoirs qui sont issus d'expériences, encore une fois, là, discréditées, minorisées, notamment des femmes ou des populations afro-américaines. Et là, qui ont appréhendé ces épistémologies féministes aussi le savoir scientifique comme étant encastré dans des configurations de pouvoir, des déterminismes socio-historiques et socio-culturels, des idéologies, des stéréotypes. Donc, ce sont en fait des épistémologies qui, en fait, invitent tout sujet connaissant à s'interroger sur les stéréotypes et les ancrages culturels qui façonnent la pratique de recherche. Et c'est aussi des épistémologies qui vont vraiment remettre en cause la conception désincarnée de la science et sa conception expérimentale, puisqu'elles vont vraiment mettre en avant notamment la place des émotions dans la construction du savoir scientifique. Et par exemple, donc Sandra Harding, qui est vraiment une des théoriciennes emblématiques de ces épistémologies féministes, elle met en avant la notion d'objectivité forte, qui doit, selon elle, combiner deux principes. Le principe d'étrangeté, donc c'est-à-dire qu'on doit partir des positions minoritaires pour construire un savoir, et le principe de réflexivité, où là, c'est le sujet connaissant qui doit s'engager dans un processus d'objectivation par rapport à lui-même, donc un processus de réflexivité par rapport à ses propres déterminations sociales, politiques, etc. Juste dire qu'en fait, voilà, c'est les épistémologies féministes, elles n'amènent pas à postuler qu'il y a une égale validité des savoirs, mais elles invitent à toujours appréhender la construction scientifique, la construction des savoirs scientifiques, dans une perspective partielle et socialement encastrée, en fait, dans des relations de pouvoir et des contextes culturels. Et donc aujourd'hui, les recherches, par exemple, les recherches communautaires féministes, elles mettent à la fois l'accent sur la manière dont les privilèges, par exemple, et les formes de stigmatisation, donc de genre, de classe, de race, vont venir façonner la recherche, et elles mettent aussi en avant vraiment la place des émotions dans la production des savoirs. Donc là, on a la RAP, les épistémologies féministes. On a un troisième champ qui est celui des épistémologies postcoloniales qui présente de nombreuses affinités aussi avec ces deux premiers champs de recherche. Et là, ces épistémologies ont, elles, appelé à la décolonisation de la recherche. Donc là, c'est des auteurs comme Linda Tuiwai-Smith, qui est une chercheuse maori, qui a vraiment mis en avant ce concept de décolonisation de la recherche pour réhabiliter les savoirs autochtones. Et selon ces épistémologies postcoloniales, il s'agit vraiment d'avoir une compréhension critique à la fois des hypothèses, des motivations et des valeurs qui vont déterminer les pratiques scientifiques. Et il s'agit aussi d'appréhender la recherche comme un espace de lutte entre des intérêts et des manières de faire des communautés indigènes et de la science occidentale. Et en fait, Linda Tuiwai-Smith, qui a eu une importance centrale dans la structuration de ces épistémologies postcoloniales, elle appréhende deux stratégies pour mettre en place un programme de recherche indigène, qui seraient d'un côté des projets autonomes revendicatifs, donc qui prennent place à l'écart des institutions universitaires, et de l'autre, la création d'espaces subversifs au sein même des institutions universitaires. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que même s'il y a des tentatives, notamment en contexte en Nouvelle-Zélande, des tentatives pour faire reconnaître des programmes de recherche qui prennent en compte les savoirs maoris, il y a toujours une persistance d'un certain positivisme institutionnel qui a tendance à freiner en fait la reconnaissance de ces savoirs autochtones. Très rapidement, ce concept de décolonisation de la recherche, il est venu faire écho aussi à un autre concept, donc de Shiv Visvanathan, qui est un chercheur indien, qui a mis lui en avant le concept de justice cognitive, et lui en fait qui pointe vers le fait que toute démocratie comme régime politique doit s'assortir d'une démocratie des connaissances. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus penser la démocratie comme régime politique sans une démocratie des connaissances, qui serait en fait le pendant de la démocratie dans le champ de la production des savoirs. Et un troisième concept qui a eu beaucoup d'impact, c'est celui de Boaventura de Sousa Santos autour de l'écologie des savoirs. Sousa Santos, lui, en fait, il a éclairé la hiérarchisation sociale des savoirs véhiculée par la théorie critique occidentale. Et il a en fait contesté, en fait, il a mis en avant le fait que cette théorie critique occidentale, elle était uniformisante et qu'elle avait tendance à produire de l'ignorance. Donc, il parle de production de l'ignorance et il parle aussi de production sociale des absences. C'est-à-dire que, en fait, cette théorie critique occidentale, elle a tendance à invisibiliser les savoirs ordinaires, les savoirs associatifs, qui prennent place dans les quartiers, ou dans les campagnes, et que contre cette production sociale des absences, il s'agit de mettre en place une écologie des savoirs, donc qui soit vraiment ancrée dans les luttes sociales. Donc voilà, c'est une approche de l'écologie des savoirs qui est vraiment conflictuelle, revendicatrice, et qui vise aussi à lutter contre ce qu'il appelle les monocultures de la connaissance. Donc cette ambition uniformisante en fait de la théorie critique occidentale. Voilà. Et quatrième, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout aborder, mais je vous enverrai le PowerPoint. Quatrième ramification, peut-être que je ne vais pas m'appesantir non plus trop, c'est les disability studies. Et là, dire qu'en fait, ça, c'est dans un contexte en fait anglo-saxon, d'essor des mouvements de lutte pour les droits civiques. Il y a eu un mouvement similaire de lutte pour le droit à l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est les disability studies. Et en fait, c'est un mouvement qui a mis vraiment en avant la construction sociale et institutionnelle du handicap, et qui a mis en avant l'exigence de contrôle des usagers sur les processus de recherche pour adapter en fait les diagnostics et les traitements. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment que les usagers mettent en avant les situations de discrimination dont ils font l'objet, et qu'ils puissent valoriser leur savoir contre des méthodes en fait médicales qui étaient davantage structurées autour de méthodes biomédicales et cliniques. Et là, les usagers, eux, ont, notamment en santé mentale, ont mis en avant la nécessité de valoriser leur savoir pour contribuer à la mise en place des traitements et des diagnostics de soins. Voilà. Et donc, là, je voulais juste creuser deux cas, en fait, qui me semblent intéressants, là, dans le cadre de ces épistémologies radicales, qui sont le croisement des savoirs d'AT Descartes-Monde et la démarche Cap-Droit avec des personnes en situation de handicap psychique. Très rapidement, la démarche d'AT Descartes-Monde, donc je ne sais pas si vous savez un peu ce qu'elle recouvre, mais la démarche d'ATD de croisement des savoirs d'AT Descartes-Monde, elle repose en fait sur une posture éthique et politique selon laquelle les personnes en situation de pauvreté, elles sont capables d'élaborer leurs propres ressources interprétatives et cognitives. Donc à la fois pour améliorer leurs conditions d'existence concrètes, mais aussi pour faire reconnaître les savoirs issus de la pauvreté dans le débat public et dans le champ scientifique. Et pour ce faire, en fait, la recherche, le croisement des savoirs, il pose qu'il doit y avoir une coopération entre les personnes en situation de pauvreté, les praticiens et les chercheurs à chaque étape de la recherche. Donc, de la définition de la question jusqu'à l'écriture, en passant par la collecte des matériaux, son analyse, la définition des résultats. Donc, c'est vraiment une approche intégrale de la participation des différents groupes dans la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche qui utilise la méthode des groupes de pairs, donc la méthode de la non-mixité, pour essayer de construire un savoir collectif autonome entre pairs. Et ensuite, il y a une phase de confrontation des savoirs qui vise justement à être une confrontation conflictuelle entre les expertises et les formes de validation du savoir de chaque groupe. Donc, la méthode d'AT d'Écart-Monde, c'est vraiment une recherche, enfin, c'est vraiment des types de recherches qui se placent sur qui valorisent la confrontation des représentations et des expertises. Et en fait, c'est vraiment des recherches qui partent en fait des désaccords entre les expertises et les savoirs de chacun. Donc en fait, ça peut susciter un certain nombre de frictions, hein, conflictuelles justement, mais qui sont vraiment conçues comme des ressorts de la recherche. Donc par exemple, les chercheurs peuvent vivre ces recherches comme une dépossession de leur pouvoir qui va les placer dans une situation de vulnérabilité. Ils peuvent aussi percevoir ces recherches comme une instrumentalisation de leur travail à des fins militantes. Ils peuvent aussi être un peu bousculés par le fait qu'ils soient limités dans leur accès à certaines données, qui est l'imposition d'une distance vis-à-vis des personnes en situation de pauvreté, ou le fait que finalement les résultats soient sur le format d'une propriété collective. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que les groupes de pairs, enfin la question de la non-mixité dans ces recherches, elle cristallise un peu les conflits entre les différents acteurs, puisque pour certains, la non-mixité, c'est ce qui permet la libération d'une parole minorisée et qui permet aussi la conscientisation d'un vécu commun de l'oppression dans un espace de sécurité. Et en même temps, ça amène le chercheur à adopter un rôle d'apprenant où il va perdre du pouvoir symboliquement, mais aussi il va se situer dans une position d'apprentissage. Pour d'autres, cette non-mixité, la question des groupes de pairs, elle peut mener paradoxalement à une reproduction des assignations identitaires, puisqu'elle va tendre à figer les rôles et les statuts. Donc voilà, je me définis comme une personne en situation de pauvreté, je me définis comme un chercheur ou je me définis comme un praticien. Et donc ça a tendance à rigidifier les catégories. Donc ça, c'était un peu pour vous donner un aperçu des tensions. Dans la recherche, alors il y a une deuxième recherche qui peut être intéressante, c'est la recherche Cap-Droit. Donc ça, je ne vais peut-être pas y revenir parce que sinon, je n'aurai pas le temps de tout aborder. Mais juste dire que c'est une recherche donc avec des personnes en situation de handicap psychique et qui vise en fait à lutter pour la reconnaissance à la fois socio-juridique et scientifique des savoirs des usagers en situation de handicap psychique et mental, et qui là utilise une méthode différente, donc qui utilise la méthode de la mixité pour comme forme de coproduction des savoirs, donc avec un mélange en fait des professionnels, des praticiens et des personnes en situation de handicap. Et là, donc ça peut reproduire un certain nombre aussi de biais, donc des formes de disqualification ou d'autocensure souterraine des personnes en situation de handicap, notamment vis-à-vis des professionnels. Juste dire que en fait, cette recherche elle a mené à la production d'un livret de plaidoyer dont je vous ai mis le lien, donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Deuxième ramification des recherches participatives, enfin deuxième grand champ, c'est celle donc des recherches collaboratives et partenariales, donc dans le champ notamment du travail social et des sciences de gestion. Et là, en fait, on a encore une fois, on a une diversité d'origines en fait pour expliquer l'installation de ce type de recherche. Donc, on a vraiment le poids assez historique de la recherche-intervention, qui remettait en question la coupure entre scientificité et engagement. Voilà, je vais pas m'apesantir là-dessus, mais donc avec Touraine, Crozier-Friedberg, Dubost, Saint-Saulieu, enfin voilà, tout un ensemble de chercheurs qui ont essayé en fait de casser cette idée de distanciation objectivante avec l'objet de recherche. Le travail social et les sciences de gestion, donc on a vraiment cette idée qu'on va produire des savoirs actionnables pour les pratiques d'intervention. Dans le travail social, la limite, c'est que historiquement, les usagers ont été évacués en fait des formes de la coproduction des savoirs, et c'était surtout des recherches qui visaient l'appropriation de compétences sociologiques par des praticiens pour qu'ils soient producteurs d'un savoir agissant entre guillemets, mais il n'y avait pas forcément de subversion des standards scientifiques conventionnels, et c'était des recherches qui étaient plus axé sur le dialogue entre professionnels, praticiens, on va dire, et chercheurs, pour réfléchir ensemble sur les méthodologies d'intervention. Donc là, je vous avais mis en fait différentes recherches en fait aujourd'hui dans le champ du travail social qui essayent justement de retravailler la question de la place des usagers. On a on a une place qui est en fait très graduelle en fait dans les recherches en travail social sur la place des usagers. On peut avoir une éviction pure et simple des usagers, une participation qui ressemble à de la consultation. Parfois, certains usagers font preuve d'une subversion discrète des cadrages, où ils essayent en fait de s'approprier des outils construits par les praticiens et les chercheurs. Et parfois, on a certaines recherches aujourd'hui qui essayent d'évoluer vers vraiment des logiques de co-investigation entre pairs. Et ça, c'est surtout des recherches dans le champ de la protection de l'enfance, donc avec notamment les travaux de Pierrine Robin, qui analyse ces recherches menées avec des jeunes. Co-investigation entre pairs. Quatrième grande dimension, ramification, c'est celle des sciences citoyennes dans le champ de la gouvernance de la biodiversité et des choix technoscientifiques. Et là, en fait, on a historiquement, on est historiquement entre une logique de démocratisation des décisions technoscientifiques et la question de la participation amateur aux sciences naturalistes. Donc là, en fait, on a dans les années 90 la notion de science citoyenne d'Alan Irwin qui, en fait, posait le double enjeu de compréhension publique de la science et de compréhension scientifique du public. À sa suite, en fait, il y a eu tout le champ des STS qui a travaillé sur les notions de communauté épistémique, sur les formes de démocratisation de l'expertise. Donc, je vous ai mis différentes références, notamment avec la notion de démocratie dialogique de Barthes, Calon et Lacou. Aujourd'hui, en fait, les projets de sciences citoyennes dans le domaine de la préservation de la biodiversité, c'est souvent des projets qui reposent sur la vigilance collective de réseaux de bénévoles et sur la collecte de données de ces réseaux de bénévoles pour enrichir des inventaires. Donc c'est typiquement des observatoires d'observation de la faune et de la flore où les bénévoles vont intervenir pour aider les scientifiques à collecter des données. Et donc souvent on a quand même un cantonnement des usagers à une tâche de récolte, de classification ou de codage des données. Et en même temps, ce sont des démarches qui s'inscrivent dans une logique éducative de sensibilisation aux enjeux environnementaux et d'acculturation aux protocoles scientifiques. Voilà, je ne reviens pas. Comme ce n'est pas un bloc monolithique, les recherches en sciences citoyennes, elles tendent à évoluer de plus en plus vers. Elles tendent à radicaliser un peu leur fonctionnement. Et on a un cas qui est particulièrement emblématique, là je vais un peu vite, c'est le champ de la sélection participative au sein du réseau Semences Paysannes. Et là, qui est intéressant, parce que le réseau Semences Paysannes, il s'inscrit dans une démarche de réappropriation des semences paysannes. Et en fait, c'est un cas emblématique de confrontation horizontale des savoirs entre vraiment des modes d'intelligibilité diversifiés. Donc, la démarche de la sélection participative, elle s'inscrit à la fois dans une démarche critique vis-à-vis du monopole de l'industrie agroalimentaire sur les semences, dans une démarche d'émancipation paysanne et de justice cognitive, où finalement les agriculteurs vont pouvoir valoriser leur savoir coutumier et leur savoir sensoriel vis-à-vis des chercheurs. Donc c'est une recherche qui s'inscrit dans une rupture avec le modèle délégatif traditionnel de la sélection variétale, où en fait avant la sélection variétale était réservée aux chercheurs, aux généticiens de métier. Aujourd'hui, ce modèle délégatif, il est vraiment remis en question par ce type de recherche, où finalement, les paysans vont être aussi des sélectionneurs avec les chercheurs. Ce qui est intéressant, c'est que cette recherche, ces démarches de sélection participative, donc elles invitent donc les paysans à participer aux essais dans les champs, aux évaluations, aux analyses et aux interprétations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des recherches qui fonctionnent vraiment sur la confrontation entre des représentations diverses, notamment entre un raisonnement qui serait plus quantificateur, celui des généticiens qui vont utiliser des outils statistiques et un raisonnement quantificateur, et les savoirs des paysans qui ont une approche beaucoup plus sensorielle et coutumière. Et notamment, par exemple, quand on entend l'intervention des paysans, eux revendiquent une approche vraiment sensorielle vis-à-vis des épis de blé, par exemple, où ils vont être capables de partager leur savoir sur voilà, les épis de blé, mais c'est un savoir qui est coutumier, qui est sensoriel et qui se distingue d'un savoir plus scientifique, je veux dire, conventionnel. Et donc, bah, pour finir, je vais un peu vite. Je voulais revenir sur quelques enjeux de pouvoir en fait, qu'on trouve dans les recherches, si on devait un peu en identifier quelques-uns. Donc les freins, en fait, il y a plein de freins en fait à la participation citoyenne dans les recherches participatives. Il y a à la fois des phénomènes d'instrumentalisation et de discrédit des usagers dans les recherches, plus ou moins feutrés et souterrains. Il y a des phénomènes de censure et d'autocensure, donc des personnes qui ne se sentent pas légitimes pour participer à la coproduction du savoir. Des formes de reproduction d'entre-soi aussi, ou des formes de sélection des participants par des chercheurs ou des praticiens. Donc, voilà, ça, c'est un ensemble de tensions qu'on retrouve souvent. Et notamment, un des chercheurs qui a pas mal travaillé sur ces relations de domination dans les recherches, c'est donc Baptiste Gaudry, qui travaille en fait sur les recherches participatives dans le champ de la santé mentale. Et lui, en fait, ce qu'il montre, c'est que, y compris dans des recherches comme le projet Chez Soi Montréal, qui crée en fait des instances vraiment décisionnelles pour les usagers, pour les personnes en situation de handicap. En fait, finalement, ces recherches reproduisent des résistances professionnelles et académiques vis-à-vis des contributions des pères aidants. Et en fait, finalement, ils montrent que la participation des citoyens usagers, elle se heurte à la subsistance de monopoles décisionnels, donc qui sont détenus par les chercheurs et les gestionnaires. Ils montrent que finalement, les pères aidants, ils interviennent, ils sont mobilisés beaucoup plus pour servir d'aiguillon des discussions et d'éclairage alternatif sur les conditions de vie en fait, des personnes en situation de handicap. Mais finalement, leur poids sur la décision finale n'est pas très important. Et notamment, leur savoir est discrédité parce que, en fait, ils ne saisissent pas toute la complexité technique et clinique des protocoles en santé mentale, et en même temps ils ne seraient pas représentatifs de la parole de l'ensemble des pairs. Donc en fait il y a des formes de discrédit, de disqualification qui réapparaissent malgré une participation des pairs aidants. Et je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes pour évoquer les... Oui, 2 minutes, ouais. Ouais. Donc ça c'est un type en fait de relation de domination qui réapparaît. Il y a aussi des travaux qui montrent que finalement il y a une réapparition d'inégalités de genre ou de statut socio-économique et politique qui réapparaissent dans des projets communautaires, donc comme le Santa Barbara Project au Brésil, qui est au départ un projet de développement territorial mené avec des communautés de femmes pour lutter contre les inégalités de santé. Et en fait, là, ce que montrent les chercheurs, c'est qu'il y a une négligence des coûts de la participation des femmes, comme par exemple mettre en place un système de garde d'enfants pendant que les femmes participent à la recherche. Et donc ça, en fait, ça crée un filtrage de fait et un manque de participation des femmes. Et deuxième fait, c'est qu'il y a une surreprésentation dans les instances de décision de la recherche de femmes dotées de socialisation militante, de capitaux socioculturels, et qui sont aussi des femmes motivées par des enjeux de distinction sociale au détriment des femmes des catégories plus populaires que la recherche voulait initialement toucher. Il y a d'autres recherches, notamment avec les personnes vivant avec le VIH, qui montrent en fait que parfois il y a une mise en conformité des résultats de la recherche par des organismes gestionnaires et financeurs, donc des formes de censure en fait latentes qui peuvent réapparaître. Et aussi certaines recherches qui, notamment sur la gestion des ressources renouvelables au Sénégal, qui montrent que les chercheurs, quand ils s'introduisent sur ces terrains, vont s'appuyer sur certains membres influents des communautés pour mener la recherche. Et en fait, le fait de s'appuyer sur ces membres influents de la communauté peut reproduire des hiérarchies statutaires Donc, renforcer le pouvoir de ses membres influents. Et donc, je finis juste sur des canaux. En fait, vu ces relations de domination qui apparaissent, il y a différents travaux qui se penchent sur la nécessité de mettre en place des canevas éthiques pour limiter la violence symbolique des rapports entre, notamment entre chercheurs non indigènes et populations autochtones. Et donc là, c'est des recherches qui montrent que on peut mettre en place tout un ensemble de gratifications, de bénéfices monétaires ou non monétaires, des formations, des formes de propriété partagée des résultats pour limiter la violence symbolique, en fait, de ces rapports de domination qui apparaissent nécessairement. Ils mettent aussi l'accent sur le fait que les chercheurs doivent adopter des cadres de travail qui correspondent au répertoire de valeurs et aux normes coutumières des communautés, donc s'adapter aux rituels de présentation, aux rituels de fonctionnement de ces communautés, à leur rythme de vie, et donc encastrer les traditions intellectuelles autochtones dans les dispositifs méthodologiques des recherches. Et je vous montre juste la dernière slide que j'avais prévue, mais que je n'aurai pas le temps de commenter. Juste dire que une dernière dimension quand on aborde des recherches participatives, c'est évidemment la question de l'ancrage institutionnel et de la tension en fait entre reconnaissance et injonction institutionnelle qu'on a autour des recherches participatives aujourd'hui. Et en fait, moi, c'est vrai que j'avais adopté une approche un peu critique aussi, où en fait j'ai essayé de montrer que le soutien institutionnel de ces recherches participatives peut aussi s'inscrire dans des impératifs de rentabilisation de la recherche et dans des objectifs de bonne gouvernance véhiculés par la rationalité managériale, donc finalement où ces recherches seraient une manière souhaitable de faire de la recherche avec des citoyens. Et donc voilà, aujourd'hui on a pas mal de travaux qui mettent en avant cette face cachée du regain d'intérêt des gouvernements pour ces recherches, et eux mettent en valeur deux dimensions. Le fait que les recherches participatives pourraient être un levier de légitimation et d'acceptabilité sociale de certaines politiques, donc qui va aussi avec une vision pacifiée de la participation citoyenne. Et deuxième dimension, le fait que ces recherches participatives pourraient être en fait un levier d'émergence d'une science efficace, rentable et sur commande, sur le modèle des recherches collaboratives en management, où on va valoriser les partenariats entre des centres industriels ou des entreprises et des centres universitaires pour produire des savoirs efficaces et rentables. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop indigeste. Vous pouvez, Marie, est-ce que tu peux, est-ce qu'on peut revenir au quitter le PowerPoint? Oui, c'est à moi de le faire, je vais le faire. Ah, d'accord. C'est... Hop. Voilà. Bon, merci infiniment, c'était extrêmement riche, super intéressant. Grégory. Ça, oui, Grégory. Prépare tes questions. Grégory n'est pas là, si tu es là. On te laisse la parole. Je ne sais pas s'il nous entend. Non, il nous entend. Yes. Oui, c'est bon. Ok. C'est bon, vous m'entendez ou pas? Oui, pardon, excusez-moi, c'est pas une faute. Oui, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Merci, je vais d'abord remercier Agnès pour m'avoir invité à discuter, à découvrir tous ces travaux passionnants, et merci à Maïté aussi pour cette présentation que j'ai moi-même trouvée très riche et très claire, malgré le temps limité. Je ne vais pas monopoliser la parole, je ne vais pas non plus perdre du temps à le dire, donc je vais directement essayer de commencer à tirer quelques fils pour laisser la parole peut-être et des questions, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Donc tirer quelques fils par rapport à ce que tu as dit et aux liens possibles avec la recherche Copolis. Donc, j'ai essayé de, moi, de voir pour ma part, on se situe, en fait, dans cette typologie, dans ces typologies que tu as effectuées, où se situe Coppolis. Et ce n'est pas si évident que ça, parce que Coppolis est autant une recherche participative en elle-même qu'un travail de mise à plat des recherches participatives qui existent sur nos terrains urbains. Donc, ça complexifie un peu l'histoire. Simplement, les trois points, donc les trois fils que je voudrais développer, c'est tout d'abord la place de l'université, qui est essentielle et qui a été relevée par tout le monde, par Agnès, par Joao et par toi-même. C'est le premier point qui me questionne, moi, mais auquel on n'aura certainement pas le temps de répondre dans la demi-heure qui nous reste. Hein. La question du droit à la ville aussi, et la place du pouvoir, la répartition du pouvoir et des légitimités. J'ai vu qu'il y avait des commentaires, hein, que tu en as parlé également, qu'il y avait des commentaires dans le chat concernant cette question-là de la légitimité de la répartition du pouvoir dans la recherche participative et dans la coproduction urbaine elle-même. Et enfin, donc la question peut-être un peu plus rapide, mais tout aussi essentielle pour ce qui nous concerne dans Coppolis, c'est le lien possible entre la recherche comparative internationale, mais aussi multisite, et la recherche participative, justement, dans des contextes différents. Donc, peut-être le premier fil qui reprend une hypothèse de Coppolis, à savoir l'hypothèse selon laquelle la place de l'université est centrale dans la coproduction urbaine, la place des universitaires. Les tensions dont tu as parlé, on les a tous vues à un moment ou un autre dans vos terrains respectifs. En fait, je fais référence à la neutralité axiologique, pas seulement à la neutralité. Se pose aussi parfois la question chez certains de l'autonomie du savoir académique, tu en as parlé, vis-à-vis des institutions, mais aussi parfois et souvent vis-à-vis de la société civile et vis-à-vis des mouvements sociaux, qui inévitablement, société civile, mouvements sociaux et institutions attendent des choses de nous, chercheurs, en fonction des postures que l'on adopte et qui peuvent évoluer également. Il y a la question qu'il y a celle-ci, c'est, que tu as mentionné également, c'est jusqu'à quel degré peut-on accepter ou peut-il y avoir instrumentalisation des savoirs, que ce soit des savoirs citoyens par le chercheur. Tu en parlais dans ton PowerPoint, hein, ce que tu appelais la main-d'œuvre bon marché, ou le travail bon marché, ou la main-d'œuvre gratuite, en fait. On instrumentalise des savoirs citoyens pour faire avancer la connaissance, la science et les connaissances académiques, mais aussi l'instrumentalisation des savoirs académiques, c'est-à-dire du travail du chercheur. Donc, c'est à multiniveau, tout ça, je dirais. J'aurais tendance à penser que la recherche participative existante chez les universitaires, sur nos terrains, n'est pas un monolithe, hein, comme tu l'as bien de toute façon montré, qu'il y a en fait une distinction peut-être entre recherche participative qui repose sur des modalités, des dispositifs de l'engagement à la collaboration, etc., à une recherche dont les résultats doivent transformer le réel, devraient transformer le réel et transformer la décision. Ce n'est pas incompatible, mais parfois on est obligé de choisir dans le curseur d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai une étudiante qui me demandait, pas plus tard qu'hier en cours, si la recherche-action c'était influer sur ou influencer ou s'engager pour, etc. Donc, c'est pas si évident. Et je pense que si les étudiants se posent cette question, les acteurs sur le terrain se posent cette question et pas mal de chercheurs se posent cette question à un moment ou à un autre. Donc, je pense que, bon, on ne peut pas y répondre. C'est le but aussi, c'est tout l'intérêt d'un programme comme Coppolis de réfléchir en chemin faisant à ces questions. Donc, ça, c'était le premier fil, le premier point. Je passe très vite. Le deuxième, maintenant, sur la thématique même de Coppolis, à travers l'idée que la coproduction urbaine, je reprends le texte de présentation du séminaire et de Coppolis, la coproduction urbaine, elle a des effets émancipateurs, elle aurait des effets émancipateurs, elle aurait des effets sur le mode de concevoir les villes. Là, inévitablement, on approche de l'idée du droit à la ville, c'est-à-dire, comme on le disait, comme Lefebvre le disait dans les années 70, d'une autogestion urbaine, dans la perspective d'une initiative collective, pour prendre en main la décision, pour prendre en main l'aménagement, etc. Mais ce qui se pose à travers tout ça, qui est une idée dont on ne cesse de débattre depuis les années 70, en tout cas en France, mais aussi ailleurs, c'est le problème de la légitimité, dont je parlais tout à l'heure. On le voit dans la coproduction urbaine, parfois ce problème de la légitimité se pose par le biais d'une non-représentativité supposée des collectifs locaux, des mouvements sociaux, ça on a tous observé à un moment ou à un autre, je l'observe moi sur mon terrain, c'est l'argument qui est avancé, vous n'êtes pas représentatif, les mouvements, la société, c'est pas représentatif des groupes, etc., habitants. Parfois, ça se pose comme une forme de défiance entre les acteurs locaux eux-mêmes. Et là, il y a une confrontation des savoirs différents, une confrontation de légitimité entre les acteurs, les habitants, les associations, les techniciens, les élus qui portent ces savoirs. Entre les discours, les enjeux portés, il y a des choses qui sont inaudibles. Dans le cas de la rénovation urbaine, par exemple, sur des terrains que je connais, la lutte contre les démolitions, un argument qui est porté, voilà, avec un argument patrimonial ou un argument social, ce qui concerne la démolition, la nécessité d'avoir des logements sociaux. Et en face, on a des projets métropolitains ou des arguments esthétiques, etc. Donc, il y a des dialogues de sourds comme ça qui s'instaurent, qu'on a tous observés. Là, la question des légitimités se pose et est renvoyée à chaque fois par les acteurs. Ça renvoie aux rapports de force, à la question du pouvoir, de la distribution du pouvoir, je pense, véritablement, des ressources et des capitaux des acteurs, bien évidemment. Et on se rapproche encore du droit à la ville. Si l'idée, c'est aussi de modifier les manières de faire, en fait, le droit à la ville, il proposait, enfin, Henri Lefebvre proposait une participation permanente et non ponctuelle. C'est ce que soulignait aussi Agnès tout à l'heure en introduction, hein, Agnès de Boulay. Il faudrait réfléchir, et c'est pour ça qu'on est là, je pense, sur les modalités de cette collaboration. Un des intérêts de Copolis et de vos recherches, justement, de tes recherches, Maïté, c'est un peu ça. Et Agnès, je lui dis en introduction, est-ce qu'une coproduction permanente, pérenne, est possible? Ou seulement, dans certains espaces, ceux que tu as décrits, à savoir ceux, par exemple, des recherches participatives? Ou est-ce qu'on peut véritablement engranger des choses plus pérennes et plus permanentes? Tu posais, Maïté, selon moi, le point essentiel de la recherche participative, c'est celui de la hiérarchisation des savoirs, qui a été posé aussi indirectement dans le chat. Là, j'ai vu tout à l'heure la hiérarchisation du pouvoir, des savoirs, pardon, et donc la question du pouvoir, non plus dans la coproduction, je dirais, mais dans la recherche participative, dans la coproduction urbaine, mais dans la recherche participative elle-même, c'est-à-dire vis-à-vis des citoyens. Mais aussi entre les chercheurs et les professionnels, c'est quelque chose qu'on souligne peut-être un peu moins, entre les chercheurs et les associatifs. Ça se pose également, cette question de la hiérarchisation du pouvoir. Là, je ne parle pas en termes de coproduction urbaine, mais, ou de production urbaine, mais de recherche. Et ça se pose, ça va se poser dans Copolis de toute façon, et c'est inévitable. Donc, ces questions de légitimité et de pouvoir, en fait, à mon sens, elles occupent tous les niveaux, en fait, de la coproduction urbaine à la recherche elle-même. Donc, dernier point, je suis désolé, je passe un peu vite, je n'ai pas le temps de trop développer, enfin, je ne vais pas prendre trop de temps, c'est la question de l'adéquation possible entre recherche participative et recherche comparative. Alors ça, c'est un peu un de nos défis aussi, je pense, dans Copolis. Il y a des spécificités des terrains, bien évidemment, des contextes locaux, bien sûr, mais on a affaire ici à une comparaison internationale aussi, même si ce n'est pas une comparaison terme à terme, c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, Joao, on a une comparaison internationale, des enjeux différents, bien sûr, même si des situations parfois se ressemblent, que ce soit pour la coproduction urbaine ou pour la recherche participative elle-même. Et cette fois-ci, on peut se poser la question de savoir s'il existe déjà des recherches, moi j'en sais rien personnellement, sur de cette nature de comparaison internationale sur la recherche participative. Et la question que je me pose, c'est comment prendre en considération les spécificités locales liées à l'histoire elle-même de la coproduction urbaine sur nos différents terrains, sur nos différents sites, pour les dépasser et pouvoir arriver à une montée en généralité. Alors c'est une question très vaste, hein, peut-être qu'on pourra y répondre à l'issue de l'ANR, mais est-ce qu'on peut monter en généralité? Est-ce qu'on a des moyens à partir de situations qui sont parfois extrêmement différentes en termes de collaboration entre universités, associatifs, citoyens, etc. Et des histoires locales et des histoires nationales aussi, pour notre cas, très, très différentes. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser plus. Simplement, ce que je voulais, j'ai quand même fini 10 minutes, là, je crois, donc je vais m'arrêter là et laisser peut-être la parole à ceux qui veulent la prendre. Peut-être que Maïté peut répondre déjà. Est-ce que c'était des questions? C'est vrai que je l'ai pris plus comme une analyse un peu synthétique et des liens entre le travail sur la recherche participative et le projet Copolis, plutôt que des questionnements, non? Je ne sais pas trop. C'est des questionnements un peu généraux, mais peut-être, je ne sais pas, par exemple, sur le comparatisme international, je ne sais pas, moi, je n'ai pas les références là-dessus. Dans les recherches participatives, la question l'adéquation entre approche comparative et recherche comparative et recherche participative. Je ne sais pas trop comment répondre à ça. Déjà, en fait, il me semble, Maïté, je suis loin d'avoir lu autant que toi, mais en tout cas dans le domaine qui nous occupe plutôt en sociologie, approche de l'urbain par les sciences sociales, recherche participative, etc. Sur la coproduction, moi, je ne connais pas vraiment d'analyse comparative. Alors, si, il y a du comparatisme au niveau national. Et d'abord, il faut savoir que les pays producteurs de ce type de recherche sont les pays anglo-saxons, le Canada, beaucoup, le Brésil, pour ceux qui ont probablement accès. Mais c'est quand même, j'ai l'impression que c'est quand même des recherches très centrées, monodisciplinaires, chacune sur un champ, sur santé, travail social, économie sociale et solidaire, ou voilà, et nationale, quoi. Enfin, moi, tout ce que j'ai lu, c'était pas comparatif, en fait. Je sais pas. Oui, en fait, il y a des. Par exemple, il y a les chercheurs du CRIS, donc c'est au Québec, c'est un centre de recherche sur les innovations sociales et le croisement des savoirs dans le champ des innovations sociales, l'économie sociale et solidaire. Eux, ils font un travail comparatif, mais c'est vrai, à l'échelle du Québec, enfin, souvent, parfois, c'est expérience France-Québec, et c'est surtout le territoire québécois. Après, il y a des travaux comparatifs, mais c'est ce que tu dis, en fait, des travaux comparatifs, notamment, si je ne me trompe pas, qui sont dirigés par Boaventura de Sousa Santos, où en fait, il fédère un peu quelques recherches autochtones, enfin des travaux sur les recherches autochtones, mais plutôt en Amérique latine. Mais vraiment des perspectives, par exemple, comparatives qui seraient... territoire européen et par exemple territoire latino-américain, c'est vrai que j'en connais pas, à part il y a l'ouvrage de Martha Agnadon sur la recherche participative qui essaye un peu qui présente une constellation de recherche participative sur différents territoires, mais c'est pas vraiment une approche comparative vraiment des effets des ressorts de la participation, des cultures, des contextes sociopolitiques aussi qui influent sur ces recherches. Donc non, je pense que c'est pour le coup, là, la recherche Copolis, elle va être innovante là-dessus, enfin, sur vraiment la démarche de... Parce que mine de rien, c'est les épistémologies postcoloniales, à part sur le territoire indien et le territoire latino-américain, elles sont encore assez peu connues sur le territoire français. Il y a encore peu de passerelles, en fait, je trouve, moi, sur avec le territoire européen. Et donc, justement, je me demande si le projet Copolis ne pourrait pas être une de ces passerelles. Donc, à voir dans quel sillage se situe le projet, en fait. Est-ce que c'est davantage dans le sillage des épistémologies radicales ou dans un autre type de sillage? Je sais pas. Agnès, je pourrais faire une petite observation. Chacun peut y aller, oui. Non, c'est juste que je pense que de cette discussion, ce qui est très important, c'est que c'est là, en fait, la difficulté. C'est qu'une des caractéristiques de la recherche participative, c'est qu'elle s'implique dans des dynamiques sociales. Ça veut dire qu'elle s'adapte, elle doit être... Elle doit s'adapter, elle doit s'intégrer aux dynamiques sociopolitiques, économiques, culturelles, etc., de chaque endroit. Et donc, moi, j'oserais dire que, dans notre approche, ça, c'est une question, parce que moi, j'oserais dire qu'entre quatre expériences de recherche participative à São Paulo, dans le même contexte, on a des difficultés de faire des comparaisons. Ce qui veut dire que, en fait, nous, on essaye de réfléchir beaucoup à, justement à cette caractéristique qui est que chaque cas est un cas. C'est très phénoménologique, c'est-à-dire que la recherche active, elle se construit et elle se donne au fur et à mesure qu'elle est faite, avec des perspectives qui sont très changeantes, parce qu'elles sont très relationnées aux dynamiques politiques, sociales, culturelles de chaque cas, et ces dynamiques, elles peuvent être très différentes, même dans un même endroit, dans un même pays, dans une même ville. Donc, quand on augmente les échelles et on commence à dire, bon, on va essayer de comparer méthodologiquement ceci, cela, d'une manière systématique, au fur et à mesure que ces différences de sociabilité deviennent de plus en plus grandes, cela devient de plus en plus difficile, en même temps que ça peut permettre justement de tirer de grandes lignes, ça veut dire de grandes lignes plutôt de méthodologie, de forme d'approche, de position par rapport au rôle que doit avoir l'université, etc., qui, elles, peuvent être, en fin de compte, se rapprocher. Donc, je pense qu'il y a un double chemin, ça veut dire d'éloignement et de rapprochement, et qui peut être intéressant d'être étudié, et que je pense que nous, ça nous intéresse beaucoup d'essayer de travailler. Voilà. Oui, mais juste pour rebondir sur ton intervention, et pour répondre aussi à un commentaire, c'est vrai que, enfin, la question des savoirs situés, enfin, je pense que si la recherche s'inscrit dans le sillage des épistémologies radicales et qui justement vise à valoriser un peu les savoirs situés qui sont souvent peu pris en compte, discrédités dans les quartiers populaires, les quartiers précaires, je pense qu'il peut y avoir quand même des similitudes dans les expériences de discrimination, dans les expériences de discrédit ou de disqualification qui viennent de la part des pouvoirs publics, mais pas que. Et donc ça, je pense qu'il y a vraiment des passerelles sur comment les individus vivent leurs expériences de discrimination et quelles sont les dynamiques qu'ils développent pour valoriser leur savoir d'expérience. Et dans les méthodologies employées, je pense qu'il peut, y a aussi, je pense qu'il peut y avoir des points d'accroche entre les contextes européens et latino-américains. Mais c'est vrai que les démarches autour des, enfin, les démarches radicales sont tellement centrées sur les déterminismes socio-historiques, culturels, qu'elles sont plus exigeantes, en fait, impliquent une exigence accrue. Si on veut comparer les cas pour ne pas être dans une forme de réplication, parce que ça, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, enfin, pas qu'à l'échelle des recherches participatives, c'est qu'on appelle les initiatives citoyennes, les démarches citoyennes à être capables d'identifier des bonnes pratiques et pour que ce soit réplicable sur d'autres territoires. Et donc, je pense qu'il faut aussi se prémunir de cette logique de standardisation un peu des bonnes pratiques. Mais je pense qu'en tout cas, cette démarche comparative est faisable et souhaitable. Oui, il y a un certain nombre de commentaires là qui m'amènent à dire qu'effectivement, dans la comparaison, dans l'échelle de la comparaison, il y aurait aussi tout le champ, je crois qu'on avait un peu parlé à un moment donné, Maïté, l'année dernière, de la socio du développement, en fait. Donc, tu as mis quelques références socio-anthropologie du développement, c'est-à-dire que, et qu'on trouverait aussi peut-être dans la littérature grise, d'ONG, des fleuvementalistes, etc. Alors, c'est peut-être pas le cas au Brésil, mais c'est le cas beaucoup en milieu rural, les interventions sur les questions agricoles, en Afrique, etc., qui ont été vachement pionnières dans la qui ont été quand même pionnières dans le fait d'arriver à façonner avec des populations, alors de façon plus ou moins imposante, enfin descendante, hein, de la coproduction. Donc je pense qu'il y a aussi cette question-là qui serait à travailler, et donc le lien, en réalité, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'on va essayer de faire, c'est une espèce de trajectoire biographique des gens qui sont impliqués sur ces questions, parce que c'est clair qu'en particulier en France, quand tu vois certaines associations d'intermédiation, hein, plutôt que des associations de terrain, beaucoup ont des expériences internationales au Brésil, en Afrique de l'Ouest, etc., et s'inspire aussi quand même de ces pratiques de co-développement, en fait, je dirais. Et bon, donc ça, c'est aussi important parce que c'est un retour, ça facilite aussi la déconstruction de notre façon de penser la participation en France. Extrêmement, toujours, malgré nous, descendante. Et je vois aussi la littérature les sciences citoyennes ou sur les recherches participatives. Très intéressant de voir qu'en Europe ou au Japon, elles sont largement construites à partir de sujets que l'on propose à des groupes, pour des sujets émancipatoires, des thématiques, etc., mais qu'elles ne viennent pas des groupes, c'est-à-dire qu'elles ne s'inspirent pas des pratiques militantes. Et ça, c'est aussi une différence importante, c'est que là, on est en train de dire qu'en fait, il y a des pratiques qui sont des pratiques d'engagement, qui sont déjà existantes et qui ne sont pas celles du collectionneur de papillons, parce qu'il y a le science citoyenne de la collection collectionneur de papillons aussi. Hein, je vais voir. Mais du coup, peut-être que ça permet... Alors, évidemment, c'est un piège. Effectivement, ça peut être un piège. Non pas populiste, mais cognitif, hein, enfin, etc. pour certains. Mais c'est aussi, ça permet peut-être un peu de faciliter la dimension comparative. Enfin, je pense. Moi, juste pour rebondir, ce qui me semblerait intéressant, là, même si j'ai une vision un peu extérieure du projet Coupolis, mais de voir justement, en fonction de ce que tu dis, les logiques un peu de circulation des référentiels des recherches participatives entre circulation des référentiels et les formes de recyclage, en fait, en tout cas d'hybridation qu'il peut y avoir entre des pratiques de recherche participative sur le territoire français et des pratiques brésiliennes, et voir comment justement les individus dont tu parles, ces associations d'intermédiation, comment finalement elles hybrident des héritages, des référentiels, soit africains, soit brésiliens, qui sont peut-être plus imprégnés de lutte sociale, avec des référentiels plus issus du travail social aussi en France, qui sont historiquement en plus dans une logique descendante, moins axée sur l'horizontalité des savoirs. Parce que c'est vrai qu'au Brésil, moi, je ne connais pas trop, mais j'ai l'impression qu'il y a même une tradition avec aussi les incubateurs d'économie solidaire, une tradition quand même d'arrimage très étroit entre les communautés territoriales d'habitants et l'université, enfin les ramifications de l'université hors de l'université. Et ça pose aussi la question des modalités aussi de... Enfin, pas le travail social, mais le lien dans les pratiques d'intervention avec les habitants, les différents référentiels selon les pays, en fait. Mais je ne sais pas si je suis très claire. Mais oui, ce serait intéressant d'interroger les circulations et les hybridations des référentiels pour un peu voir en fait, comment ça rejaillit sur les pratiques de coproduction. On va devoir bientôt se quitter, je crois. Grégory, je vois qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat. Est-ce que tu veux les commenter Oui, il y en a beaucoup. On va pas. De ce que j'ai vu, il y a la question du genre. Il y a une question sur. J'imagine que c'est relatif au partage de pouvoir et à la hiérarchie du savoir aussi. Est-ce qu'on va se poser cette question dans Coupolis ? Je crois qu'on l'a pas vraiment encore abordée, mais ça dépend des terrains aussi. Hein. Ça, c'est propre à chaque terrain, je pense. Il y a des terrains où ça va se poser plus que, j'imagine, dans d'autres. Voilà, c'est une question, peut-être pour Agnès, pour Joao, pour les porteurs de la recherche, cette question du genre. J'espère ne pas trahir ce que j'ai lu rapidement. Il y a la question du droit à la ville et de l'Habitat International Coalition, de l'Alliance internationale des habitants et de la plateforme globale pour le droit à la ville, en termes de circulation des savoirs, hein, j'imagine, qui renvoie à ce qui vient d'être dit, des forums sociaux mondiaux également, et l'auto-analyse, alors ça renvoie aussi à la question du genre, mais plus globalement, l'auto-analyse en Coupolis, mais ça, je pense que de toute façon, ça va se faire aussi, j'imagine, chemin faisant, est-ce qu'il est prévu, donc je ne sais pas si j'oublie des choses. Sinon, peut-être que... Euh, Pedro avait une question aussi. Hein. Est-ce oui, que... Pedro. Oui. Alors, j'essaie de la retrouver. Pedro disait que la question de la comparaison internationale, elle est en mettre en lien avec la typologie des finalités. C'est-à-dire en sciences citoyennes plutôt fonctionnelles, il doit en avoir pas mal. Les finalités militantes sont peut-être trop situées pour la comparaison internationale. D'accord. OK. Bon, la question du genre, Sylvette est-elle toujours là? Parce que c'est Sylvette Denner qui a posé la question. Oui, je crois. Elle est là. Ouais. Bon, en tout cas. Oui, parce qu'en fait, enfin, moi, je ne sais pas si Sylvette n'en parle pas. Bon, on ne va pas toujours revenir à cette ANR qui démarre. Hein, je veux dire, mais c'est vrai que dans la question des épistémologies féministes et décoloniales, etc., elle se pose, mais je voudrais juste dire une chose. Elle se pose et de façon quand même un peu plus nuancée, dans le sens où ce qu'on veut regarder ici, c'est aussi le rôle des acteurs intermédiaires. Or, les acteurs intermédiaires, ça dépend qui on considère qui est du côté des dominés. Voilà, le point de vue selon lequel déjà les personnes, les groupes avec lesquels on travaille sont des dominés par extension est questionnable. Enfin, je veux dire, ça fait partie de ce. Mais compte tenu du fait qu'en plus on travaille avec des acteurs intermédiaires, alors on doit nécessairement diversifier nos approches, même si on se situe un peu du côté de ces épistémologies. Je peux juste, mon micro s'est décidé à marcher, je crois que c'est moi qui devrais. Je pense que c'est quand même très important de faire de l'auto-analyse dans un processus de recherche, surtout lorsqu'il s'agit d'une réflexion sur des modalités de la recherche, sur des formes nouvelles de recherche, etc. Et au cœur des rapports de pouvoir, il y a bien sûr le rapport de genre. Et c'est une dimension qu'on peut saisir, dans le cadre d'un projet de recherche, on peut le saisir à tous les moments et regarder, analyser sa pratique et certainement, dans un projet comme Copolis, quelque chose qui apporte au projet. Ce n'est pas seulement une réflexion autour du projet qui serait une réflexion de comportement convenable, mais bien quelque chose qui apporte du coup au phénomène de contextualisation de la recherche et qui me paraît aussi important que de regarder quel lien il peut y avoir avec le rapport militant, les rapports de pouvoir, la recontextualisation des pouvoirs. C'est une forme de recontextualisation des pouvoirs. Mais bon, c'est juste une suggestion. On repasse la parole au discutant, Grégory. Par rapport à cette question du genre? Non, je ne sais pas. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Ça peut être que bénéfique pour la charge, de toute façon, cette veille sur le genre. Je pense que même si c'est un groupe de travail, voilà, c'est entre les associations, les chercheurs, les habitants, les institutions, ça ne va peut-être pas se poser de la même manière à chaque fois, mais je pense que ça mérite réflexion, une veille qui peut apporter des résultats aussi au-delà d'améliorer les choses sur le terrain. Je vais pas en dire plus sur les questions, sur l'auto-analyse, bien évidemment, ça rejoint ça. Peut-être la réflexion qui est mentionnée par David sur l'analyse et le rapprochement et aller voir ce qui se passe, mais on le fait déjà, mais peut-être plus spécifiquement dans le cadre de cette recherche sur les réseaux internationaux qui existent, parce qu'il existe des choses sur notre terrain qui sont liées parfois souvent à des réseaux internationaux, donc c'est un peu ce que tu disais, Agnès aussi. Hein. Je pense que là, c'est deux choses qu'il faudra tirer de ce séminaire d'aujourd'hui, je pense. Ça ne fait pas le tour, mais voilà. Donc là, il est 6h04. On va s'arrêter là. Moi, j'ai ma famille qui va rentrer aussi. Ouais. De toute façon, on est déjà à la moitié de participants, enfin, la moitié ont dû partir, dont Joao et plusieurs qui se sont excusés, etc. Donc, en tout cas, oui, il faut s'arrêter. On a une prochaine séance, c'est quel jour, en fait, Marie ou Pedro? C'est le 14 décembre, non, je crois. prochaine séance. Bon, je n'ai pas la liste des séminaires. Bon, on vous enverra, de toute façon, on enverra un rappel. Donc, ce sera une séance de recherche-formation. Donc là, avec des acteurs engagés sur des terrains, enfin, amicales de locataires, associations, etc., dans le quartier des Framboisins, notamment à Saint-Denis, et les chercheurs, discutés par Claudette Lafaille. On vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment à Maïté, Juan et à Grégory Busquet et à toutes les personnes qui ont pu assister à ce séminaire. Et à très bientôt. Merci. À la prochaine séance, donc. Oui, merci, Maïté. Au revoir. Au revoir, merci. Qui est-ce qui garde les notes, encore une fois? Est-ce que quelqu'un peut garder les notes, sauvegarder les notes qui sont très utiles? Je vais les enregistrer. Super. Merci. Ouais. Merci, Joao, si tu reviens en coup de vent entre deux obligations.